Bonjour, merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de Clotaire II, roi franc, roi de 584 à 629. Il a été roi de Neustrie de 584 à 613, puis roi des Francs de 613 à 629. Nous nous étions quittés sur la fin du règne de Chilpéric. Le cortège funèbre avait conduit la dépouille royale jusque dans l'église Saint-Vincent, aujourd'hui l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, où le roi avait été enterré aux côtés de son oncle Childebert Ier, roi de Paris. Le visage de Chilpéric avait été tourné vers l'ouest, en direction de ce grand royaume de l'ouest, la Neustrie, dont il avait été l'acharné bâtisseur. Sa mort, dans des conditions suspectes, lardée de coups de couteau, rappelant par là les méthodes de son épouse Frédégonde, avait entraîné des troubles dans le royaume. Le cortège nuptial de sa fille Ringonde, pour commencer, promise en mariage au cadet de la famille royale wisigothique, avait été sauvagement pillée. Réfugiée chez le comte de Toulouse, elle avait été renvoyée à sa mère sans rien. D'un caractère tyrannique et sombre, d'autant Chilpéric n'avait jamais réussi à se s'allier une partie de sa propre aristocratie, qui lorgnait du côté de l'Austrasie, où régnait, depuis la mort de Sigebert, en maître incontesté, la reine wisigothique Brunehilde. Ce parti pro-austrasien, présent dans la noblesse neustrienne, va grossir les rangs de l'aristocratie austrasienne en emportant une partie du trésor royal dès la mort de Chilpéric. Elle partira donc avec une partie du trésor royal, des documents officiels et des archives de grande importance, ainsi que le missérium d'or de Chilpéric, un vaste plateau d'argent censé célébrer l'anniversaire d'un règne, symbole par excellence de pouvoir. Le signe est clair. Pour ces nobles pro-eustrasiens, la légitimité du pouvoir appartient désormais à Childebert II, roi d'Austrasie, dont il faut garantir les moyens d'exercice. Des troubles vont aussi éclater entre différentes villes, notamment entre Orléans et Chartres. Donc, dans ce contexte troublé, Frédégonde a assisté, terrorisée, à l'enterrement de son propre mari. De peur, pourquoi? Parce qu'elle avait peut-être peur de se faire assassiner par des partisans, des pro-austrasiens. Et elle envoie un message désespéré au roi de Bourgogne, Gontran, le bon et sage Gontran, déjà très âgé. Elle lui demande sa protection. Mais Childebert II, qui a des espions un peu dans la région et qui réside à Meaux, est au courant que Frédégonde se trouve toujours à Paris et décide de s'emparer de la meurtrière de son père. Mais Gontran s'interpose. Il le devance et commence à négocier avec Childebert et Brunehilde. Finalement, Frédégonde arrive à atteindre et arri arrive dans la cour de Bourgogne, saine et sauve, avec le petit Clotaire II. Mais le problème, c'est que concernant l'enfant, Clotaire II, c'est-à-dire le rejeton, le dernier enfant de Frédégonde et de Chilpéric, la légitimité est mise en doute. On sait que Frédégonde aimait bien les hommes en général et se montrait relativement proche de certains de ses officiers, notamment deux officiers qui lui ont été fidèles jusqu'au bout, Anzoald et Odon, qui étaient aussi d'ailleurs des officiers tout à fait capables quand il s'agissait de techniques militaires, ce qui fait que c'était aussi assez utile. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se demander si on souscrit d'ailleurs au meurtre de Chilpéric par sa propre femme Frédégonde, on peut se demander qu'est-ce qui aurait pu pousser Frédégonde à commettre un acte si défavorable à ses propres intérêts. Car en effet, en perdant un roi et en perdant son propre mari, elle perdait toute forme de protection. Et il est probable qu'elle ait voulu cacher à son mari, à Chilpéric, eh bien, un enfant adultère. Et cet enfant adultère aurait été Clotaire. Mais comme Chilpéric est mort, il n'est pas là pour le constater. et donc Clotaire peut devenir un véritable roi des Francs. Donc, Gontran va réunir une grande assemblée des nobles de Neustrie, à Paris d'ailleurs, pour à la fois officialiser le fait que Clotaire est bien le fils de Jules Péric et que Clotaire s'appellera désormais Clotaire, du même nom que Clotaire Ier, et c'est-à-dire un roi qui a su, sous son règne, unifier le royaume franc. Et cela rejoint bien l'ambition en réalité de Gontran, qui est d'unifier le royaume franc. Il est un peu obsédé par l'idée d'unité, il est toujours inquiet de ce démembrement, de ce risque de division au sein du Regnum Francorum. Hein. Alors, néanmoins, il considère que. Alors, après cette assemblée, d'ailleurs, de nobles, Gontran va décider d'adopter le Clotaire II. Et l'ayant adopté, il décide de prendre le contrôle de la Neustrie, en plus de ses villes de Bourgogne. Il envoie Ansoald, l'officier, reprendre le contrôle des villes neustriennes et demande à ce que chacune des villes qui se soumet prête allégeance non seulement à lui, Gontran, mais aussi à son fils adoptif, désormais Clotaire. À Rouen, pour bien montrer son pouvoir, il destitue Melaine, évêque proche de Frédégonde, et rétablit le complaisant Prétextat. On se souvient que Prétextat avait marié Brunehilde et Mérovée à l'époque où celle-ci, Brunehilde, était prisonnière de Gilles Péric. Et enfin, plutôt que d'accéder à la requête de l'évêque Promotus, dont le diocèse avait été rétrogradé en simple paroisse à l'époque de Gilles Péric, parce que c'était une victime collatérale en réalité de la purge anti-austrasienne, eh bien, il ne lui rend que ses biens matériels. Donc il veut montrer aussi par cette politique qu'il n'est pas ni pro-austrasien, ni anti-neustrien, il est du milieu, il est impartial. Mais cette impartialité n'est pas forcément bien comprise par les nobles en réalité austrasiens. Et n'est pas forcément bien comprise par les nobles austrasiens, qui y voient plutôt un signe de faiblesse. Alors que Gontran est plutôt quelqu'un de modéré et soucieux de subsidiarité. Et donc, et Brunehilde, il voit en fait au contraire plutôt un signe de faiblesse. Et donc, elle envoie le duc Gararic et le chambrier Éberon pour qu'ils fassent repasser les villes de Tours, de Limoges et de Poitiers sous domination austrasienne. Ils accomplissent d'ailleurs assez facilement leur mission, grâce à la complicité de l'évêque Grégoire de Tours et de ce fameux Venance Fortuna, devenu prêtre, et d'autant mieux intégré à Poitiers qu'il est aussi le poète attitré de la princesse Radegonde, ancienne femme de Clotaire Ier. Elle est cloîtrée dans son monastère de Sainte-Croix et elle est une amie de longue date de Brunehilde. Mais nous allons voir comment ce plan de Brunehaute va entraîner en réalité un retournement de situation. La suite dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.